Deuxième partie. Au bureau de tabac. Vous avez une carte en couleur de la tour Eiffel? Oui, voilà. 70 centimes. Alors, trois cartes postales, s'il vous plaît. Vous ne vendez pas de timbres. Si, bien sûr. Ah, c'est vrai. Les buralistes vendent des timbres en France. Alors, trois timbres pour le Canada. L'équipe et deux tablettes de chocolat. Ça fait combien? Ça fait 7,80 francs. Merci. Voilà. Alors, une carte à Anne, tout de suite. Ma chère Anne. Marie-Claire, bonjour. Ça va? Pas mal, merci. Je vais au bureau de poste. Tu m'accompagnes? Oui, je veux poster ma carte postale. C'est dommage. Il n'y a pas de boîte à lettres ici. Allons au bureau de poste alors.